Merci de nous avoir sauvés. Asante kwa kutuokoa. Nous étions errants. Tulikuwa tumepotea. N'avions pas de part à la cité de Dieu. Na tulikuwa tu na sehemu. Nous étions misérables. Tulikuwa kuteso. Tu as donné un sens à notre vie. Lakini umepatia maisha yetu kuwa na maana. Nous as sorti de la mort. Umetuondoa ndani ya kifo. Nous as débarrassé des chaînes. Na umetuachanisha na mambo. Nous a transporté dans ton royaume. Tu as fait de nous tes enfants. Béni soit ton nom. Ce soir, parle encore en nos cœurs. Nous sommes disposés. Saint-Esprit, soutiens-nous. Accompagne-nous. Atteins un objectif ce soir. Dans le cœur de chacun d'entre nous. Quiconque va entrer en ces lieux ne sortira pas comme il est venu. Que la puissance et l'Esprit de Dieu soient déployés. Que les grâces de Dieu soient libérées dans cette assemblée, dans cette maison et sur chaque vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous nous asseyons devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Shalom à tous. Amani wenanyi. Nous bénissons le Seigneur qui a commencé avec nous et qui est là jour et nuit. Je sens que le Seigneur va faire quelque chose encore ce soir parce qu'il est au rendez-vous. Sababu iko mali hapa. Tu peux rater toutes choses dans la vie. Naweza kupoteza mambo yote maisha. Ne rate pas le Seigneur. Lakini usimpoteze Bwana. Et puis ne rate pas ce genre de rencontre. Na usipoteze mikutano kama na hizi. Alléluia. Amen. Nous disons bienvenue à notre papa. Tunasema karibu kwa baba yetu. Karibu. Papa Kilot, karibu. Mama souri là à côté. Na mama anakuwa kitabasamu hapo pembeni. Papa est arrivé. Sababu baba amefika. Nous sommes tous dans la joie. Sisi sote tuko ndani ya furaha. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commencé de parler de la puissance de l'établissement. Tulianza kuongelea juu ya uwezo wa kushimika. Est-ce que quelqu'un peut nous donner un résumé? Je kuna mtu ambaye anaweza kutupatia kifupi. Des grandes lignes, des grands points que nous avons partagés. Mistari kubwa kubwa ambayo tuliweza kuzungumzia. Peut-être que tu ne sauras pas. Sasa moja hautaweza. Mais nous avons déjà parlé de deux chapitres. Lakini tumeshazungumzia vipengele mbili. Le premier c'est la puissance. Ya kwanza ni uwezo. Derrière l'établissement. Ambao unakuwa nyuma ya kushimikwa. Le deuxième chapitre c'est quoi? Kipengele cha pili ni les piliers de notre établissement. Nguzo za kushimikwa kwetu. Et dans le premier chapitre, ndani ya kipengele cha kwanza, nous avons partagé sur le parcours des hommes de Dieu qui ont été établis et comment Dieu s'est manifesté dans leur vie. Tuliweza kuzungumzia safari ya watu wa Mungu ambao walishimikwa na jinsi Mungu aliweza kujionyesha ndani mwao. Le deuxième point c'était les mystères de la puissance derrière les hommes établis. Na tukazungumzia nukta pili ambao ilikuwa ni siri nyuma uwezo ya watu ambao wameshimikwa. Qu'est-ce qui constitue cette puissance? Quel est le secret derrière cette puissance? Ni kusema ni nini siri ambayo iko nyuma ya uwezo. Quand quelqu'un est établi, on voit la puissance de Dieu se manifester en lui. Wakati mtu ameshimikwa unaona uwezo wa Mungu kuonekana. Mais quel était le mystère derrière cette puissance? Lakini nini ilikuwa siri ambayo ilikuwa nyuma ile uwezo? Et nous avons abordé quelques mystères. Na tuliweza kuzungumzia siri fulani fulani. Et puis nous avons depuis quelques jours commencé à parler des piliers de l'établissement. Na kisha tangu siku kidogo tumeanza kuzungumzia nguzo za kushimikwa. C'est-à-dire les choses qui soutiennent quelqu'un qui est établi pour que s'accomplisse le but de Dieu. Mambo yanayomsupport mtu ambaye ameshimikwa ili lengo la Mungu liweze kutimilika. Quelles sont les choses qui peuvent venir en appui à quelqu'un qui est établi? Ni nini mambo ambayo yanaweza kuja kumsupport mtu ambaye ameshimikwa? Nous avons vu la première chose qui vient en appui à un homme et une femme établi, c'était la connaissance de Dieu. Na tumeona jambo la kwanza ambalo linamsupport mtu ambaye ameshimikwa ni ujuzi wa Mungu. Et la deuxième chose nous avons commencé de parler il y a deux jours. Na jambo la pili ambalo tumeanza kuzungumzia imepita siku mbili. De la qualité de la personne établie. Tumezungumzia hali ya mtu ambaye ameshimikwa. La qualité de ce que tu es. Hali ya ile ambayo uko. Je parle pas de la position, je parle de la qualité. Sizungumzie cheo, nazungumzia hali. Ta qualité est un grand appui pour que s'accomplisse le but de Dieu pour ta vie. Hali yako inakuwa ni msaada kubwa ili lengo la Mungu litimilike ndani ya maisha yako. Une personne de mauvaise qualité. Kama uko mtu wa hali mbaya. Le but de Dieu ne va pas s'accomplir. Lengo la Mungu halitatimilika. Ou alors tu vas juste commencer. Ama unaweza kuanza. Et puis ça va dégringoler. Na kisha mambo itaharibika baadaye. Et tu vas finir mal. Na utamaliza vibaya. Et hier, na jana, nous étions en train de partager. Tulikuwa tukizungumzia sur ce qui révèle la mauvaise qualité dans une personne. Comment je peux repérer que je suis une personne de mauvaise qualité moi-même? Et ici, j'aimerais nous exhorter à être assez humble. Tukuwe wanyenyekevu. De ne pas courir chercher les mauvaises qualités chez l'autre. Tusikimbie kutafuta hali mbaya kwa watu wengine. Ne devenez pas de scanner des autres. Tusikuwe watu ambao wanachunguza watu wengine. Nisianze sikia mkanisa sasa. Bali nisema sasa niko mauvaise qualité. Hapana. Je ne veux pas écouter dans cette église qu'on a critiqué quelqu'un qui est de mauvaise qualité. C'est pour toi. Ni kwa ajili yako. C'est pour que toi tu comprennes. Et tu te comprennes. C'est pour que toi tu te découvres, tu découvres ce qui se passe avec toi. Afin de cesser d'être une personne d'une mauvaise qualité. Alléluia. Amen. Et hier nous avons abordé le premier aspect qui révèle la mauvaise qualité dans une personne. Na jana tulianza kuzungumzia unyuso wa kwanza ambao unaonyesha hali mbaya ndani ya mtu. Nous avons vu une vie superficielle. Tuliona maisha juju. Et nous avons vu que les personnes qui font montre de superficialité. Na tukaona kwamba watu ambao wanatumika mambo kwa juju. se remarque par le fait qu'ils ne prennent pas les choses de leur vie au sérieux. Inaonekana sababu hawachukui mambo ya maisha yao kwa ukamilifu. Deuxièmement, ya pili, nous avons vu que ces gens, ce sont des personnes qui ne mènent pas une vie attentive. Ni watu ambao hawaishi maisha ya umakini. Et puis nous avons abordé la deuxième chose qui révèle la mauvaise qualité d'une personne, c'est l'arrogance et l'orgueil. Et nous avons vu cela au travers de la vie du roi Saül. Nous avions aussi abordé Samson. Mais nous avons vu comment Saül a fini mal, na tuliona jinsi Saulo alimaliza vibaya, alors qu'il a été choisi authentiquement par Dieu. Ichapokuwa alichaguliwa kikweli pamoja na Mungu. Alleluia. Amen. Alleluia. Amen. Le grand conseil qu'il faut tirer de Samuel, shauri kubwa ambao na plutôt de Saül, somo kubwa ambao naomba utoe ndani ya Saulo. Nous allons le lire ensemble. Tutaisoma pamoja. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 17. Ndani ya kitabu cha Samueli wa kwanza 15 mstari wake wa 17. Allons-y ensemble. Tunaweza kusoma pamoja. 1 Samuel Samueli wa kwanza 15:17. 15:17. Et je vais demander à chacun de nous de le mémoriser. Na nitaomba kila mmoja wetu aiweke ndani ya kichwa chake. 1 Samuel, vous avez trouvé? Samueli wa kwanza nikiwaza mmepata. 15:15. Bwana asifiwe. Amen. Après toute cette turpitude de Samuel dans ses combats contre les Amalécites, kisha vita ya Saulo kwa Amaleki, et que Samuel vient de dire à Saül que Dieu va le virer, na kisha Samueli kumwambia Saulo ya kwamba Mungu amemfukuza, l'homme de Dieu lui donne un conseil. Mtu wa Mungu anampa shauri. Comme un rappel. Kama vile ukumbusho. On peut le lire ensemble. Tunaweza kuisoma pamoja. Verset 17. Shauli la 17. Samuel dit, Samuel akasema, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois roi sur Israël? Na Mungu akukupaka mafuta ili uwe mfalme. On peut revenir, allons-y. Tunaweza kurudilia, twende. Wakati ulikuwa mdogo kwenye macho yako. Encore une fois. Mara moja ingine tena. Ok, on baisse la tête et puis on mémorise. Allons-y, une minute. Tunaweza kuishika ndani ya kichwa. Sauli kwaka mudogo kumacho yako. Lorsque tu étais petit à tes yeux. Haugu kuwa mfalme wa Israel na Bwana hakukupaka mafuta ili utawale taifa yake ya Israeli. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que garder, tu sois roi sur Israël? Tu peux garder ça dans ta langue. Ni rahisi kwa kuichunga naweza ku. On peut le dire sans regarder. Ndani ya kichwa ndani ya lugha yako. Disons-le sans regarder. Tu isome bila kuangalia. Samuel lui dit. Samuel akamwambia. Wakati ulikuwa mdogo kwa macho yako. Qui a échoué? Nani ambaye ameshindwa? Ok, on revient alors, on revient, on recommence. Un, deux, trois. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef d'Israël? Et l'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu deviennes le chef des tribus d'Israël? Vous avez vu? Mumona. Quel est ce conseil? Ni shauri gani hii? Samuel essaie de dire à Saül. Samuel iko na pima kumwambia Saul. Tu es devenu arrogant et orgueilleux. Umekuwa majivuno na kiburi. Mais quand tu n'étais pas encore arrogant et orgueilleux, lakini wakati ulikuwa hujaanza kujivuna, l'Éternel t'a choisi. Bwana Mungu alikuchagua. Et il t'a fait asseoir sur le trône d'Israël. Na kukuikalisha kwenye kiti cha ufalme cha Israeli. Et toutes ces erreurs que tu as commises proviennent de ton arrogance et de ton orgueil. Quand il n'y en avait pas encore, tu étais efficace. Quand il n'y en avait pas encore, tu étais ami de Dieu. Quand il n'y en avait pas encore, tu étais correct. Mais quand l'arrogance a commencé à prendre place dans ton cœur, tu es devenu compliqué. Et c'est le premier conseil qu'il lui donne. Et nous avons vu que dans les expériences suivantes, le roi Saül, n'étant pas de bonne qualité, malgré ce conseil profond et puissant, il a continué à commettre ce même genre d'erreurs jusqu'à aller égorger les prophètes en Israël. 85 sacrificateurs. Juste pour régler un compte avec le petit David. Pour quelle faute? Parce que David, dans sa marche indépendante, est parti consulter un homme de Dieu pour que Dieu le guide. Alors je vais tuer tous les hommes de Dieu pour que David ne trouve plus quelqu'un à consulter. Vous voyez ces motivations là, vous voyez ces cœurs là. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare, l'orgueil précède la chute. Kiburi inakuwa mwanzo wa kuanguka. Quand tu t'exerces à devenir orgueilleux, sache que tu t'exerces à la chute. Wakati unajizoweza kuwa mwenye kiburi, ujue kwamba unajizoweza. Quel que soit le domaine, hijalisi uwanja ambao unatumika, même dans le ministère, hata ndani ya huduma, même dans les positions séculières, hata ndani ya vyeo kazi za sasa ndani ya dunia. Regardez quand il y a un chef orgueilleux. Uangalie wakati unakuwa na boss ambaye ni mwenye kiburi. Quand tu es chef, tu n'es pas l'homme à tout faire. Wakati wewe ni boss, sio wa kufanya kila kitu. À cause de ton orgueil, sababu ya kiburi chako, tes agents vont te rouler, ils vont te crouler. Watumishi wako watakuacha wanakuangusha. Parce que quand tu auras besoin d'eux, sababu utakapokuwa na wahitaji, ils vont te donner des mauvais conseils. Watakupatia mashauri mabaya. Pour que tu te croules. Ili uanguke. Mais quand tu es humble, lakini wakati uko mnyenyekevu, tu auras leur amour. Utakuwa na upendo wao. Ils vont t'aimer. Watakupenda. Et leur amour sera ta sécurité. Na upendo wao itakuwa usalama wako. L'arrogance, majivuno, l'orgueil, kiburi, c'est pas bon. Sio vizuri. Dites à ton voisin, c'est pas bon l'orgueil. Mwambie sio vizuri kiburi na majivuno. Haiko vizuri. C'est pas bon. Haiko vizuri. Hey. C'est pas bon. Haiko mzuri. Pas bon. Ce soir, je voudrais partager sur la troisième manière où se révèle la mauvaise qualité. Johnny, alors, ningependa nizungumzie namna ya tatu ambao hali mbaya inaonekana. C'est la lutte intérieure. Ni le vita ya ndani. Du moi. Ya umimi. Qui tend à détourner l'accomplissement du but divin. Ambao inatafuta ku kuacha isitimilike lengo la Mungu. Pour se construire un nom. Ili ijitengenezee jina. Ou pour servir son moi. Ili atumikie umimi wake. La lutte intérieure. Ile vita ya ndani. D'un homme. Ya mtu. Qui lutte avec l'inconnu. Ambaye iko napigana na mtu ambaye ajui. Il lutte, on sait pas il lutte avec qui. Anapigana lakini haujui anapigana na nani. Au point que hata le but de Dieu dans sa vie. Lengo la Mungu ndani ya maisha yake. Il en est excellent. Ça se passe bien dans la poursuite du but. Inapitikana vizuri ndani ya kufuatilia ile lengo. Mais il a tendance à convertir ou à détourner cet objectif au service de son moi. Lakini anatafuta kugeuzia ile lengo kwa kutumikia umimi wake. Et ce genre de personnes sont dangereuses. Na watu kama na hawa wako hatari. Pour le but divin. Sababu juu ya lengo la Mungu. Parce que vous pouvez le trouver vraiment efficace. Sababu unaweza kumuona hakika iko na nguvu. Mais la motivation est mauvaise. Lakini anayofuatilia ni mbaya. La motivation anayofuatilia. Tout le bien qu'il fait. Même yote aifanyayo. C'est pour construire son nom. Ni ili ajitengenezee jina lake. Si vous prêchez bien. Kama na waubiri vizuri. C'est pour construire son nom. Ni ili ajitengenezee jina lake. S'il vient vous distribuer des libéralités. Kama anakuja kuwapatia. C'est pour construire son nom. Zawadi ni kwa ajili awa. S'il te fait du bien. Akikufanyia mema. C'est pour construire son nom. Ni kwa kujitengenezea jina lake. Or les observateurs. Ijapokuwa wanaochunguza. Qui le regarde, il voit qu'il fait du bien. Et on peut dire vraiment qu'il est impliqué dans son objectif, dans le but divin. Mais Dieu ne se retrouve plus dans ce qu'il est en train. Il a tout converti pour lui. Ce n'est plus pour Dieu. Ce sont des personnes que vous pouvez trouver. Même dans le domaine spirituel, faire beaucoup de sacrifices spirituels. Il peut passer la nuit à l'église. Il peut être fidèle à la chaîne de prière. Il peut même s'engager dans des programmes intenses de prière. Je vous ai partagé dans le passé une expérience qu'on a connue dans notre église à Lipen. Un bien-aimé très très zélé qui commençait à s'impliquer dans le département professionnel. Et puis on a organisé une conférence de professionnels et c'est lui qui devait prêcher. Il est parti gêné. Et l'objectif c'était d'inviter les occultistes et tout le monde. Na tungepaswa kualika wasuda wote kila mtu. Si tu connais quelqu'un, il faut les éviter. Kama unamjua mtu umwalike. Alors il était. Il est parti gêné. Akaenda kufunga. Le jour du rendez-vous arrive. Siku sasa mkutano nafika. La réunion commence. Mkutano inaanza. On a loué. Tulisifu. Et puis l'heure de la prédication arrive. Na kisha wakati wa mahubiri nafika. On invite l'homme de Dieu. Tunaalika sasa mtu wa Mungu. Il commence à prêcher. Anaanza kuhubiri. Il n'a pas dit quelques phrases. Hakusema misemo nyingi. Qu'il est entré en langue. Akaanza kusema kwa lugha. Il a prêché en langue. Akahubiri kwa lugha. Il est allé à langue. Akasema tu kwa lugha ici. Kuna nini hapa? Il est allé. Les gens commençaient à sortir, à entrer dans leur voiture, commençaient à faire pipi. Comme le parking là, ça commence à pipi. Kata. Pipi, kata. Et la réunion s'est gâchée. Kaisha vit. Namkutano kaisha hivyo. Karibika. Alishaenda muluga. Il est déjà parti dans un domaine où il parle seulement là. Qui va t'écouter? Nani ça s'attaque à vous si c'est. C'était une révélation. Dieu nous quoi nous fout. Ouais. Bon, ainsi fut, ouais. Amen. Suivez-moi bien. Munifuate vizuri. Beaucoup de gens watu wengi ont été authentiquement choisis par Dieu. Walichaguliwa kikweli na Mungu. Et au départ, c'était des bonnes personnes, des personnes de qualité. Mais malheureusement, ils se sont corrompus par la mauvaise gestion de la gloire, par la mauvaise gestion de la position, par la mauvaise gestion de leur cœur. Ils se sont dégradés. Quand vous regardez comment Saül a été choisi, c'est glorieux. Et vous sentez que là c'est Dieu. Vous pouvez regarder cela. Dans 1 Samuel chapitre 9, ndani ya Samuel wa kwanza sura 9, vous pouvez lire tous les chapitres. Unaweza kusoma sura yote. Dieu choisit Saül. Mungu anamchagua Saulo. Et pour montrer que c'est Dieu vraiment. Na ili uonyesha kwamba kabisa ni Mungu. Alors que Saül allait avec son serviteur chercher les ânesses de son père. Wakati Saulo alikuwa anaenda na mtumishi wake watafute punda za baba yake. 3 jours après. Siku tatu baadaye. Ils n'ont pas trouvé. Hawakupata. Et Saül dit à son ami, nous rentrons. Na Saulo akamwambia rafiki yake turudi. Son ami dit non mais il y a un vieux ici dans ces coins ici, il y a un voyant là, il peut nous aider. Allons le chercher. Lakini mtumishi wake akamwambia ndani ya hii eneo kuna muonaji tunaweza kwenda kumtafuta. Or chapitre 9 verset 15 suivant. Sura 9 mstari wa 15 na kuendelea. Un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant: demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et il le oindra pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Ichapokuwa siku moja baadaye Mungu alikuwa ameshakumwarifu Samuel ya kwamba kuna mtu ambaye atafika na atampaka mafuta ili akuwe mwongozi wa Israeli. C'est Dieu qui dit. Ni Mungu ndiye anasema. Donc il n'y a pas un montage du choix de Saül. Ni kusema hakuna uongo ndani ya ile uchaguzi wa Saul. Et quand Saül vient, il dit cherchons quelqu'un pour nous montrer les ânes. Na wakati Saul yuko anasema kwamba tumtafute mtu ili atuonyeshe. Ils arrivent dans le village. Wanafika ndani ya kijiji. Dieu dit à Samuel. Mungu anamwambia Samueli. Le petit là dont je t'ai parlé hier. Ambaye nilikwambia jana. C'est lui. Ndiye huyo. Authentique. Anachaguliwa kikweli. Et il lui dit, allons au haut lieu, on va manger ensemble. Quand Samuel préparait la fête, il a réservé une épaule. Il a dit, ça vous préparez spécialement pour un visiteur que je vais recevoir. C'est authentique. Le visiteur en question, c'est un jeune homme. Il est géant. La Bible dit qu'il est le plus géant dans tous les pays. Et puis voilà. Il vient de le rencontrer. Il dit ok, monte au lieu, j'arrive. Et puis il arrive. Il dit au servant, donnez-lui les morceaux là dont je vous ai dit de garder. Et les petits veulent rentrer, il dit non, non, vous restez, vous allez passer la nuit ici. Au chapitre 10, au premier verset suivant, il commence à les accompagner tôt le matin pour partir. Il dit au serviteur de Saül, passe devant. Combien j'aime ça là. On dirait Dieu vraiment, il est, Dieu est sérieux avec le petit. Et puis les serviteurs passent devant. Et Samuel dit à Saül, c'est pour toi ce pays ici. T-shirt de petits ânes, mais quoi de meilleur d'autre? Mais tout ça, c'est pour toi. Et puis, il retire sa bouteille d'onction. Et il est loin. Il est loin quoi? Roi d'Israël. Authentique. Ça vient de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on a commencé authentique. Mais on s'est corrompu dans la suite. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbe 4:23, prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient les sources de la vie. Si tu ne prends pas soin de ton cœur, même quand Dieu t'a choisi de manière authentique, même quand tu es déjà à plein établissement, tu es déjà à pleine fonction, fais attention. Prends soin de ton cœur plus que toute autre chose. Parce que si ton cœur se gâche, il est dit que c'est de ce cœur que vient les sources de la vie. Donc, dès que le cœur se gâche, ce même cœur qui hier produisait du bien, demain va commencer à produire du poison. Comment on peut expliquer que tous ces événements ici, authentiques, produisent un roi qui va égorger les sacrificateurs? Toute cette préparation et établissement authentique, comment ça peut produire l'égorgement des femmes, des hommes, tout le monde, des chèvres, des poules, des rats, de la ville des sacrificateurs? Vous allez tout égorger et on les a tous égorgés. Un homme qui a commencé bien, dit à ton voisin, fais gaffe. La grandeur avilie. Beaucoup de gens ayant échoué de bien gérer leur cœur, ils sont devenus vils. Et Samuel dit, on peut le dire ensemble. Oh, Monisha ça ou déjà? Vous avez déjà oublié. Allons-y, Samuel conseille, il dit quoi? Samuel dit, le chef de tribu d'Israël, et l'Éternel n'est-il pas roi pour que tu sois roi sur Israël? On recommence. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit dans tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël, et l'Éternel dis au voisin, quand tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu ce que tu es? Ulikuwa mdogo kwa macho yako. Je, hukukua ile ambayo uko leo? Tu es quelqu'un? Suko mtu. Quand tu étais petite à tes yeux, wakati ulikuwa n'as-tu pas eu un mari? Mdogo kwa macho. Maintenant que tu es dans le foyer, sasa umefika ndani ya nyumba. Qu'est-ce que tu es devenu? Umekuwa nani? Quand tu cherchais la fille d'autrui, donc on a jibembeleza, basi, on a basi, mon cœur bat, donc normalement, Mungu wangu, oh mon Dieu, na sakame, na sachet, na ma unité mine. Lipa moto à $50. Lipa moto, 50. Le transport de $50. Le lendemain, lipa moto, $100. Et demain, $100 encore. Quand tu étais petit à tes yeux, tu trouvais que cette femme a de la valeur. Elle mérite tous ses soins, toute cette attention. Elle mérite. Tu étais petit à tes yeux. Depuis qu'elle est entrée dans ta maison, c'est fini. C'est moi le chef ici. On peut le redire. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef tribu d'Israël? Disons-le encore. Samuel lui dit, on va essayer de paraphraser. Samuel me dit. Samuel ananiambia. Ok. Mm-hmm. Allons-y. Twende. Samuel ananiambia. Wakati nilikuwa mdogo kwa macho yangu. N'es-tu pas devenu le chef d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu diriges toute cette façon-là? Vous avez même vu nos députés quand ils font les campagnes là. Ils sont petits à nos yeux. Ils sont gentils. Ils disent alléluia. Mais dès qu'ils partent, ils reviendront 5 ans après. Hein, pour encore être petits à nos yeux. On les vote encore. Bwana sifiwe. Amen. Dans Juges chapitre 8 verset 22, regardez ça. Waamuzi 8:22 muangalie hii neno nasema nini. Un bon exemple. Mfano mzuri. Juge 8:22. On parle de Gédéon, c'est ce jeune homme aussi que Dieu a élevé et qui a accompli de grandes choses. Délivrer Israël d'Amalek. Regardez, vers la fin de sa vie, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, 2 points. On peut les lire ensemble, allons-y. Dire à Gédéon, domine sur nous. Et toi, et ton fils, et le fils de ton fils. Car tu nous as délivrés de la main de Madian. Écoutez maintenant la réponse. Wonderful. Verset 23, Gédéon leur répond. Il dit, je ne dominerai point sur vous. Et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. On peut acclamer Gédéon. Acclamons Gédéon. Est-ce que le peuple a tort? Non, tu as été un bon roi pour nous. On est fiers de toi. Nous t'offrons. Vous avez chanté ça aussi? Bon, évidemment, on ne sait pas la motivation du site. Du peuple était sincère ou non à ce moment. C'est un saint. Pona kosu kisa santa tumutombele. Beaucoup d'entre vous n'ont pas connu ces temps-là. Wengi kati yetu hawakuishi wakati kama na hii. Bwana sifiwe. Amen. C'est-à-dire, le peuple a aimé Gédéon. Ils sont fiers de lui. Et ils le voient vieillir. Ils trouvent qu'il va mourir bientôt. Ils viennent de lui dire. Le peuple vient voir le roi. Ça, c'est une chose rare en Afrique. Hein. Il vient voir le roi et dit, oh roi, tu nous as fait du bien. Tu as fait du bien à notre nation. Tu as fait du bien à notre peuple. On est content de toi. Domine sur nous. Et si tu meurs, que ton fils domine sur nous. Et si ton fils meurt, que le fils de ton fils domine sur nous. Nous te donnons la domination. Domine sur nous. Règne sur nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Gédéon a dominé par le bien. Mais malgré que le peuple a raison, vous avez entendu la réponse d'un homme qui est petit à ses yeux. Comment tu interagis avec les félicitations, les congratulations? Tu as bien prêché. Oh, tu es bien habillé. Tu es belle. Tu réagis comment habituellement? Hein? Comment tu réagis? Ton mari te félicite. Oh, que tu es belle, ma belle. Ah, uko mrembo, mrembo wao. Kisha. Et après? Comme il a dit que je suis belle, sa belle. On fait comment? Tunafanya nini? On va vérifier devant les miroirs. Tutachunguza sasa mbele ya kioo. Si c'est vrai, on passe deux heures. Kama ni kweli tunapitisha hapo saa mbili. Certainement, il a vu ça. Hakika aliona hii. Et puis il revient, il a faim, il n'y a pas à manger. Na kisha narudi iko na njaa. Tu viens de finir le temps devant les miroirs. Na umepoteza muda wako wote mbele ya kioo. Plus certaines personnes les félicitent. Sidi watu fulani wanakuwa wakiwapatia pongezi. Ils pensent à eux. Ils se remplissent d'eux-mêmes. Ils construisent leur moi. Je suis quelqu'un. Dis, qu'est-ce que vous croyez? Hein? Oh, la prédication que tu nous as faite, on a été édifiés. Oh, Bambiaka. Bambiaka, pasteur. Hanipangake. Je vous dis tout, pasteur. Il ne me programme pas. Hani pangake. Parce qu'il ne me programme pas. Vous êtes vraiment malheureux. Tant que vous pasteur iko pale hakuwa nanipanga hivi. Vous ratez des choses. Tant que ce pasteur est encore là, il ne me programme pas. Il y a des choses que vous ratez. Tu as bien commencé, tu étais une bonne personne. Uliaza vizuri, ulikuwa mtu mzuri. Mais maintenant tu es corrompu. Na sasa umeharibika. Par la grandeur. Kupitia ukubwa. Corrompu même par l'établissement. Umeharibishwa hata na kushimikwa kwako. Dieu t'a donné quelques faveurs. Mungu amekupatia quelques grâces. Quelques privilèges. Ces mêmes privilèges t'ont corrompu. Na ile kibali imekuharibisha. Tu deviens de mauvaise qualité. Na unageuka wa hali mbaya. La chorale là. Mungu akupa kasauti. Ça unaimba watu wasema ah Yesu ameshuka. Et lorsque tu sentes les gens disent vraiment Dieu est descendu ici. Et puis en sortant un frère te dit waouh. Na kisa unapotoka ndugu anakuambia. Et puis on a skié bien. Tu te sens bien. Kesho. Manake kesho ndatia. Mnaitaka nini ile kunyonga sauti hivi? Staff. Feeling. Kivi kesho sasa. Voici un épingle tout comme micro cash. Voici mes programmes seulement aux gens qui vont chanter au micro. Bataja zoa. Seront remplis du Saint-Esprit. Kisha kesho akuya ku feeling. Et demain tu arrives avec le fil. Mais il y a kimwili. Mais c'est charnel. Djulisha haribika. Parce que tu es déjà hier. Tu nous as bénis parce que tu étais authentique. Mais le lendemain, tu viens maintenant vouloir nous bénir dans la chair. Il n'y a plus rien. Et les gens qui étaient même concentrés à la prière, ils ouvrent les yeux pour regarder. Tu as bien commencé. Lorsque tu étais petit, à tes yeux, on a vu dans ce pays beaucoup d'artistes et musiciens chrétiens. Ils ont bien commencé. Regardez souvent les premiers albums des artistes. Profond, riche, mafuta mingi. Beaucoup d'onction. Mais quand il a vendu, les gens sont bénis. Il sent qu'il a vraiment vendu. Donc, je prépare maintenant le deuxième album. Ce n'est plus pour que les gens soient bénis. En fait, il ne décide pas que les gens ne soient pas bénis. Mais il vient d'être gâché par les précédents succès. Maintenant, il veut faire le biashara. Je veux vendre. Dauza parcel. Et je veux acheter une parcelle. Unaharibika. Tu es déjà avili. Et les albums qui suivent ne sont plus spirituels. Alléluia. Amen. Tu es en train de t'évaluer en même temps. Dans tous les domaines. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. La troisième, la quatrième manifestation, kuonekana ya ine, c'est le manque de conscience du but divin. Ni ukosefu wa zamiri ya lengo la Mungu. La conscience du but de Dieu pour ta vie. Zamiri ama ujuzi wa lengo la Mungu. Beaucoup de gens ont raté le but. Watu wengi wamepoteza lengo. Beaucoup de gens ont été périmés parce qu'ils ont perdu la conscience du but de Dieu. La conscience du but de Dieu pour leur vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous regardez Jésus dans la tentation, dans Luc chapitre 4, verset 13, le diable a tout fait pour essayer de détourner Jésus de son but. Lisez la tentation. La motivation principale de Satan, c'était d'enlever Jésus de son but. Mais au verset 13, qu'est-ce qui est dit? Après l'avoir tenté de toutes ses manières, sache frère que dès l'instant où il y a un but pour ta vie, le diable va te tenter de toutes manières pour t'éloigner de ce but. Et la meilleure façon de subsister dans la volonté de Dieu, c'est de développer la conscience du but. La conscience du but divin sur ta vie. Alléluia. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Il attend un autre tour. Bwana sifiwe. Amen. Il est écrit dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé un but afin que nous les pratiquions. Ce sont des bonnes œuvres afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé déjà ça. Le but de ta vie, Dieu l'a préparé non pas seulement comme un titre, mais même le contenu avec des détails qui ensemble constituent ton but. Paul dit, il a préparé cela d'avance afin que nous on vienne dedans pour le pratiquer. Maintenant, pour subsister dans le but de Dieu, nous devons développer la conscience de ce but-là. La conscience du but. Alléluia. Amen. Jésus lui-même a développé la conscience et son but quand il était encore tout petit. Dans Luc chapitre 2, verset 49. Dans Luc chapitre 2, verset 49. Il s'est égaré, ça fait 3 jours. Et sa maman et son père viennent le chercher. Et quand ils le trouvent au temple, écoutez ce qu'ils répondent à leur parents. Il dit, ne saviez-vous pas que je devrais m'occuper des affaires de mon père? Conscience. Zamiri. À l'âge de 12 ans. Kwa miaka 12. Quand est-ce que tu auras la conscience de ton but? C'est quand tu seras à 50 ans. Jésus a 12 ans, il est déjà conscient de son but. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La conscience. Zamiri. Il est écrit dans Luc 9:62, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière, il n'est pas digne. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Ou n'est pas digne du royaume de Dieu. C'est-à-dire quand on te trace un but, tu mets la main sur le but et puis tu regardes en arrière, tu n'es pas digne de Dieu. La femme de Lot fut prescrite d'aller sans regarder en arrière. Et quand elle a entendu des choses brûler en arrière à Sodome, je pense qu'elle a pensé à ses marmites ou à son compte ou à son... Mukandara. Mukandara. Où elle s'est rappelée quelque chose. Elle s'est retournée pour regarder en arrière. Est devenue un morceau de sel. Et son mari a continué le voyage sans la regarder. Tu es devenu du sel. Qu'est-ce que je dois faire? Moi aussi je continue à te regarder, moi aussi je deviendrai. Le mari a continué le voyage, il s'est sauvé. Tu dois regarder en avant. Il y a beaucoup de distractions que le diable propose aux hommes pour le détourner du but. Mais nous devons nous exercer une responsabilité. N'imagine pas que tu seras conscient de ton but comme ça naturellement. Il faut s'exercer à cela. Dans Habakkuk, il est écrit, écris la prophétie. Grave là sur des pierres. Lis-la chaque jour. Répète ça. Dès le sens où tu connais ton but. Écris ton but. Répète ton but. Mémorise ton but. Pense à cela. Jusqu'à ce qu'elle s'installe. mpaka wakati itaingizwa dans ta conscience ndani ya zamiri et que ça devienne une conscience na ikuwe zamiri. Vous savez, mnajua, même les gens qui pêchent hata watu wanaotenda sont des gens qui ont perdu le but de Dieu pour leur vie. Ni watu ambao wamepoteza lengo la Mungu. Ils ont perdu la conscience du but. Wamepoteza zamiri ya lengo. Le petit Joseph, kijana Yosufu, est devant une opportunité d'un plaisir. Anakuwa mbele ya fursa apa, fursa ya ya kujipa raha. Bwana sifiwe. Amen. Il devait avoir beaucoup de libido. Na angepaswa kuwa na tamaa nyingi. Mais il est conscient de son but. Lakini anakuwa na zamiri ya lengo lake. Entre ce plaisir là, kati ya ile furaha, un plaisir gratuit, furaha ya bure, il va même pas payer. Na hata lipa. Et le but, na lengo, il dit hein hein. Anasema hapana. Mama hapo. Mama hapo. Pardon. Samahani. Uniache. Laisse-moi. C'est tellement grand dans la conscience son but. Laisse-moi te dire, la conscience de ton but va te sécuriser dans beaucoup de choses. Va te sécuriser dans beaucoup de tentations. Est-ce qu'il y a un jeune ici qui acclame le Seigneur? Regardez ces jeunes filles qui viennent. Pasteur, tu vois vraiment, je ne comprends pas. C'est, au lieu que les frères viennent, c'est les papas qui viennent me tenter. Les papas viennent. Mais si tu connais bien ton but, et tu es conscient de ça, mais ils vont te draguer comme qui respire. Ma poumoua, on a pita. Watakuja tu na wanapita. Non, vraiment, je ne comprends pas. Kabisa mimi sielewi. Vraiment? Quoi vraiment? Nini? Quel est ton but dans la vie? Lengo lako ndani ya maisha ni nini? Non, il a dit qu'il va me marier. Oh, ameniambia ataniao. Mais c'est mari d'autrui. Si ni mume wa watu. Quel est ton but? Lengo lako c'est d'être la femme d'un mari d'autrui. Ukuwa mke wa mume wa watu. Tu es dans quoi? Uko ndani ya nini? Tu vas où? Unaenda wapi? Hey. Non, c'est lui cette fois-ci, celui-là, c'est un célibataire. Yeah, kabisa, haja oa. Et quoi alors? Non, Kisanil. Bon, tu vois, il veut qu'on couche ensemble pour que je le rassure. Il ni mwakikishie. Quel est ton but? Lengo lako ni gani? C'est d'aller dans le mariage par le péché. Ni kuingia ndani ya ndoa kupitia zambi. C'est un but divin. Lengo la Mungu kabisa. Dieu a-t-il dit, allez pêcher pour avoir des maris? Je Mungu amesema mwende mtende zambi ili muwe na waume. C'est ce que Dieu vous a prescrit vous? Ni ile ambao Mungu amekuambia wewe. Mutalumia. Vous allez être blessé. Il va te virer après et puis il est parti. Atakufukuza baadaye. Et il ferme le téléphone. Na nafunga simu. Et la promesse du mariage volatilisée. Ahadi ya ndoa haikuwake tena. Et tu rentres à la moquette. Na kesho narudi tena kwa mrago. Pauvre moquette. Mrago wa watu. Moquette inaluona ako. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Kuna mtu anamshangilia Bwana. Bwana sifiwe. Amen. Tu peux devenir un homme une femme de bonne qualité. Unaweza kuwa mwanaume na mwanamke wa hali nzuri. Nous tous ici. Sisi sote hapa. Nous pouvons devenir des chrétiens de bonne qualité. Unaweza kuwa wa Kristo wa hali nzuri. Il suffit d'être conscient. Inatosha tu uwe na zamiri. Du but de Dieu pour notre vie. Ya lengo la Mungu juu ya maisha yangu. Pourquoi je suis devenu chrétien? Sababu gani ni quel est le but de Dieu sur ma vie? Lengo la Mungu juu ya maisha yangu. Je vais où? Ninaendea wapi? Sois conscient de ça. Uwe na zamiri ya hiyo. tu vas voir que les tentations vont se vont pâlir. Utone ya kwamba majaribu itapotea. Ça va pâlir. Ça va perdre son effet sur toi. Itapoteza uwezo wake nguvu zake tu yako. Alléluia. Amen. Alors passons au troisième pilier rapidement. Tuzungumzie nguzo ya tatu haraka. Et demain on va prendre le quatrième pilier. Na kesho tutazungumzia nguzo ya nne. Le respect des clauses de l'établissement. Heshima ya mapatano ya kushimikwa. Alléluia. Amen. Nous avons dit le premier pilier c'est quoi? Tumesema nguzo ya kwanza ni nini? Quel est le premier pilier? Nguzo ya kwanza ni nini? La connaissance de Dieu. Kumjua Mungu. Le deuxième pilier. Ya pili ni? La qualité de l'homme établi. Hali ya mtu troisième pilier. Ya tatu. Le respect des clauses de l'établissement. Heshima ya mapatano ya kushimikwa. Jésus a dit à ses disciples, Yesu Kristo akamwambia wanafunzi, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils se mettent d'accord. Watu wawili hawezi kutembea pamoja kama hawakubaliane. Le panier des offrandes va commencer à circuler. Vitunga vya sadaka vitaanza kupita. Puis on va entrer en prière. Na kisha tutaingia ndani ya maombi. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se mettent pas d'accord. Watu wawili hawezi kutembea pamoja kama hawakubaliane. Se mettre d'accord kupatana insinue l'idée inakuwa kionyesha hii wazo d'une ligne de conduite ya mustari ya kufuata. Deuxièmement, ya pili, des principes qui vont guider notre marche vers le but. Safari yetu kwa kuendea lengo. Quels sont les principes qui vont nous guider dans notre marche vers le but? Kanuni gani zitakazo tuongoza ndani ya mwendo kuendea lengo? Et troisièmement, na ya tatu, se mettre d'accord signifie kukubaliana ma une orientation ou une direction fixée. Mwelekeo ambao umewekwa. Que c'est fixé. Imewekwa. Que voici comment nous devons marcher. Ya kwamba tazama jinsi tutakavyotembea. Voici comment nous devons atteindre l'objectif. Tazama jinsi tutafikia lengo. C'est ce que ça veut dire, se mettre d'accord. Hii ndio inamaanisha kupatana. Et dans la vie quotidienne, la vie séculière, dans la vie normale, na ndani ya maisha ya kawaida, cette pensée s'applique. Waso hii inakuwa na maana yake. Dans la chorale, ndani ya kwaya, on doit se mettre d'accord pour que quand nous allons chanter, nous produisions une symphonie. Tunapasa kupatana ili tutakapoimba nyimbo zetu zisikilikane. Si on dit on va chanter ces chants est en do. Na tukisema tutaimba hii nyimbo iko ndani ya sauti. Et que toi tu viens en ré. Na kisawone na ndani ya sauti nyingine. On va chanter mbele kete jazz. Tutaimba kama mbele kete jazz. On doit se mettre d'accord. Tunapasa kukubaliana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se mettent d'accord. Kama hawakubaliane. Or, quand Dieu t'établit, wakati Mungu anakushimika, c'est pour un but. Ni kwa ajili ya lengo. Mais ce n'est pas pour ton but. Lakini haiko tu ya lengo lako. C'est pour son but. Ni kwa ajili ya lengo lake. Et donc, tu dois te référer à lui dans cet établissement. Tu dois respecter les principes. Et en général, l'essentiel de cette mise d'accord, ou je veux dire les clauses, nitasema mapatano proviennent de Dieu. Zinatoka kwa Mungu. Parce que qu'est-ce que je suis moi homme? Sababu mimi mwanadamu niko nani? Pour donner à Dieu des conditions. Ili nianze kumpatia Mungu masharti za kuheshimu. Avez-vous déjà vu un homme? Mmesha kumuona mtu? Lisez dans la Bible. Msome ndani ya Biblia. Quel est cet homme qui a donné à Dieu des conditions? Dieu, je vais marcher avec toi mais écoute-moi bien. Nani ule mtu ambaye ndani ya Biblia alisema Mungu nitatembea na wewe? Tu m'achètes d'abord une voiture. Je vais être pasteur, d'accord. Condition. Uniuzie nyumba. Lakini suti. Uniuzie gari. Achète-moi une maison. Na unipe bibi mzuri. Une voiture et donne-moi une bonne femme. Certains disent même, donne-moi une belle femme. pour que quand les autres belles femmes de l'église viendront dans l'église, ils ne puissent pas me tenter. Parce que j'arrive quand. Qui ne soit pas une tentation pour moi. Tu vas poser des conditions à Dieu. L'essentiel de ces accords-là consiste à ce que Dieu propose lui-même. C'est lui qui donne les buts et c'est lui qui donne les conditions. Tu n'as qu'à t'accorder avec lui. S'accorder signifie dire au Bwan. Oui, Seigneur. Et quand je donne mon accord sur le principe que Dieu me propose, on commence à marcher ensemble. Ce qui est important, c'est que le Dieu qui donne la ligne de conduite, le principe, quand il trouve un homme qui est prêt à lui obéir et à agir, il va te donner alors la provision pour réussir là-dedans. On va parler de la provision demain. L'onction. C'est le quatrième pilier. Levons-nous. Nous allons commencer à prier.